Croyez pas que je fasse de l'anémie, de la décalcification. Non, ça serait plutôt de la philosophie si je suis en toute occasion vachement décontracté. Vachement pas énervé. Ça ne m'empêche pas d'avoir le cœur d'un homme d'action. Je fais la queue pour les westerns. Et percé par les détonations, je m'en vais quand le cinéma ferme. Vachement décontracté. Vachement pas énervé. Y'a rien que Lulu qui peut se vanter de m'avoir perturbé l'organisme quand je l'ai vu si bien rouler. Ce fut comme un typhon, un séisme. Je vous assure que le choc a fait du bruit. Lulu, je l'avais dans la peau. Mais le soir de la 14e nuit, je me suis senti de nouveau vachement décontracté. Vachement pas énervé. Lulu et moi, on s'est quitté et j'ai repris ma vie tranquille. Tant que j'ai un toit et de quoi goûter, je vois pas pourquoi je me ferais de la bile. Ne croyez pas que je fasse de l'anémie, un restant de puberté. Ça serait plutôt de la philosophie si je suis vachement décontracté.